بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 11e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيلت لنا ميتتان ودمان، فما الميتتان؟ فالجراد والحوت، وما الدمان؟ التحال والكبد. أخرج أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous ont été permis deux chairs mortes et deux sangs. Il y a les deux formes de sang, car à la base le sang est interdit à la consommation. Les deux chairs mortes sont la sauterelle et le poisson. Et les deux sangs sont la rate et le foie. Et le hadith a été rapporté par Ahmed ibn Majah. Et le hadith a une faiblesse. Il se peut que des gens se disent, mais pourquoi dans ce livre ou d'autres livres comme cela, l'auteur rapporte des hadiths qui sont faibles? Et il le sait lui-même. C'est pas comme s'il avait fait un hadith qu'il voyait comme étant authentique. Et après analyse et après étude du hadith, on s'est rendu compte par la suite qu'il ne l'était pas. Là, le hadith, l'auteur lui-même met un hadith et dit lui-même qu'il est faible. Donc, des gens se posent la question, pourquoi? Quelle est la faïda de mettre un hadith faible? Parmi les raisons, premièrement, des fois pour justement citer un sujet propagé, répandu chez les gens, basé sur un hadith faible, il te démontre que le hadith il est faible. Comme cela va venir, des hadiths, par exemple, des gens, ils ont émis des jugements sur des hadiths faibles. Et ils ont agi en conséquence, alors que le hadith n'avait aucune origine, ou contredisait même d'autres hadiths qui eux-mêmes étaient plus clairs. Donc il met le hadith pour dire, par exemple, dans tel sujet, votre preuve, c'est un hadith qui est faible. Il évoque la mas'ala, et il stide l'aile. Également, des fois, des hadiths faibles ont des affaires de salaf qui les appuient. C'est-à-dire le hadith il est faible, mais le marna il est sahih. Le hadith il est faible, mais le sens du hadith est authentique. À titre d'exemple, le hadith sur l'eau qu'on a pris au début. Parce que l'eau, c'est caractéristique, elle change. Le hadith était faible, et pourtant il y a ijma, des ulama qu'on applique. Tu comprends? Également des sujets ou une origine, et la chose la plus... la plus convaincante qui était trouvée, c'est un hadith faible pour l'appuyer. À tel point que Shirfat m'a rapporté que certains salafs disaient, je préfère bâtir un jugement sur un hadith faible que sur un avis. Que sur un avis d'une personne. Je préfère bâtir sur un hadith qui est faible que sur un avis de quelqu'un. Ça, c'est parmi les raisons. Également, des fois, les hadiths faibles viennent pour appuyer. Maintenant, il y a faible. Quand c'est Daif Jiddan, quand c'est Maudour, voilà, je suis comme ça, c'est autre chose. Donc, par exemple, là, ce hadith, il est faible. D'accord. Mais il y a d'autres preuves à l'appui. Et des fois, c'est différents. Les preuves se trouvent dans différents domaines. Elles ne sont pas toutes réunies en un seul hadith. Et là, le hadith, il te réunit le tout, d'un coup. Il te parle de la sauterelle, il te parle du poisson, il te parle du foie, il te parle de la rate. Et des fois, c'est des hadiths qui sont dispersés. Donc un hadith faible est venu et réunit le tout. En fait, il va te citer le sujet, que le sujet, il est vrai à la base. Et pour, on va dire, sûrement, Allah Alam, pour raccourcir la chose, la rendre moins lourde, il te l'a mis dans un hadith. Même s'il est faible, il te dit qu'il est faible. Mais que ce que se renferme ce hadith est vrai. Amen. Donc là, le hadith, il est faible, mawqufan. Faible, marfou'an, c'est-à-dire qu'il ne remonte pas au prophète Mohammed, mais il est authentique, mawqufan. Il remonte bien au sahabi ibn Omar. Et là, comme il parle, au hilat lana, au nuhina, au mirna, nous était interdit, nous était permis, ça le hukm du marfou'an. C'est un hukm d'un hadith qui remonte au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, na'mal bih. Le hadith, on applique. On l'utilise. Donc il dit, mas'ala, meytatul hout wal jarrad. Le jument de la chair morte du poisson et de la sauterelle. Il rapporte une parole de Nawawi. Il dit que, en ce qui concerne le samak, le poisson et le jarrad, la sauterelle, que les deux sont purs par les textes et par l'ijma. Qala ta'ala, uhilla lakum saydu al-bahri wa ta'amuhu. Vous ont été permis le gibier de la mer, c'est-à-dire le poisson, la pêche et sa nourriture, les choses présentes dans la mer. Wa qala ta'ala, wa huwa alladhi سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. Il est celui qui vous a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche. Et également, on a pris le hadith d'Abu Huraira, le tout premier, en parlant de la mer. Ce dont l'eau est purifiante et dont la chair morte est licite. Il fut rapporté selon Abdullah ibn Abi Awfa qu'il ait dit: Razauna ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a razawat na'kulu al-jarad. Nous avons fait 7 batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons mangé des sauterelles. Donc il dit: peu importe que ce poisson, par exemple, fût pêché, ou qu'il soit mort de lui-même, ou qu'il soit émergent ou pas. Et par rapport à la sauterelle, peu importe que la tête soit coupée ou pas. C'est pareil. Tu peux la manger. Après, il y a un khilaf quant aux autres animaux marins, autres que le poisson. Mais si on se base sur l'apparent des preuves, c'est que tout ce qui vit dans l'eau, pleinement dans l'eau, d'accord, ça nous est licite. Allahu ta'ala alam. Ensuite, il rapporte une parole de Abdullah ibn Bassam dans son char justement Tawdih al-Ahkam de Bulugh al-Maram. Il dit que ce hadith démontre que le poisson et que la sauterelle, s'ils meurent dans l'eau, ils ne souillent pas l'eau. Que l'eau soit en petite ou en grande quantité, ça ne change rien. Même si son goût vient à changer, sa couleur vient à changer et son odeur, car les poissons et la sauterelle, les deux sont purs. Ensuite, il dit sujet, mas'ala, hukm, at-tihal, wal-kabid, la rate et le foie. Et le hadith nous démontre que il nous a permis de manger les deux. Et que si c'était des impuretés, cela n'aurait pas été permis. Et il dit que le Nawawi a rapporté l'ijma de leur pureté, unanimité de leur pureté, du foie et de la rate. Pourquoi on les appelle les deux sangs? Car ils sont fortement constitués de sang. T'as vu le foie comment c'est? D'accord? Il y a beaucoup de sang. Et à la base, comme on l'a dit, le sang n'est pas permis à consommer. Même demain, tu saignes de la lèvre, tu saignes de la bouche, tu saignes du nez, ou ce genre de choses, tu n'as pas le droit de consommer le sang. Taïeb. Ensuite, il dit Mas'ala, Meitatu, Ghail, El Jarrad, ou El Hout. Adami. Tout ce qui est mort, autre que la sauterelle, le poisson et l'être humain. L'Unnawawi rapporte qu'il y a ijma, que tout ce qui sort de ce roi là sont impurs. Toute dépouille, tout cadavre d'autres que ces trois là sont impurs. Et qu'est-ce qui prouve cela? Le hadith qui va venir, Inch'Allah. إِذَا دُبِرَ الْإِهَبُ فَقَدَ تَهُورُ. Que si la peau a été tannée, alors elle devient pure. C'est-à-dire, la peau qui a été nettoyée de l'animal mort, elle devient pure. C'est-à-dire qu'avant ça, elle était impure. Ça, c'est un sujet qui va arriver, Inch'Allah, dans Bab al-Aniya, le chapitre des récipients. Donc, la peau de la chair morte, de l'animal mort, est une partie de lui. Donc si jamais sa peau devient purifiée après avoir été tannée, cela démontre qu'à la base elle était impure. Ensuite il dit Mas'ala, Meitatul Adami. Maintenant c'est le cadavre de l'être humain. En ce qui concerne le cadavre du musulman, dans son chant de musulman, l'imam Yanil Nawawi, il rapporte que le Hay, en premier lieu, il y a ijma, celui qui est vivant, le vivant du musulman est pur, avec unanimité. Ensuite, il dit, en ce qui concerne le mort, il y a un divergent entre les savants. Et le réel, la réelle parole, c'est qu'il est pur. La réelle parole, c'est qu'il est pur. C'est quoi la preuve? C'est la généralité englobée dans le hadith d'Abu Huraira, Inna al-muslim la yanjus. Certes, le musulman ne devient pas impur. Qu'il soit mort ou vivant. Le hadith en soi, tayyib, ne vient pas pour différencier entre le mort et le vivant. Et il y a eu un khilaf par rapport à d'autres savants comme Abu Hanifa, et une version selon Ahmed et Malik, et une parole de Shafi'i, qui se sont servis d'une histoire qu'un yani an-nazanjiyan sakata fi bir zamzam famata fa'amara ibn Zubayr wa ibn Abbas an yunzaha الماء منها. Donc il dit qu'il y a un zunhi c'est une personne, ce que j'ai trouvé c'est des gens du Soudan apparemment, il serait tombé dans la source de Zamzam, il y est mort. Le après Ibn Zubayr et Ibn Abbas, ils ont ordonné que l'eau en soit enlevée, Et Nawawi, il a réprimandé cette histoire. Et que cette histoire n'a aucune origine. Il dit, rapporte de Shafi'i, qu'il dit, j'ai rencontré un grand groupe de chouyours de Mecca. Je leur ai interrogé à propos de cette histoire. Il dit, nous n'avons jamais entendu cela. Ouais, ils n'ont jamais entendu cela. Par il Bayhaqi et autres que lui. Sofiane ibn Uyayna, qui est un imam des gens de Mecca, il dit, je suis à Mecca depuis 70 ans. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, grand ou petit, qui connaît justement le hadith, cette histoire-là. Et je n'ai entendu personne qui ait dit que l'eau de Zamzam était enlevée. Donc la parole, la première parole, est la parole authentique, c'est-à-dire que le musulman, qu'il soit vivant ou mort, n'est pas impur. Et c'est à dire d'autres affaires de salaf qui appuient cela. Naam. Après, il y a eu le sujet du kafir. Le kafir, vivant ou mort, est-ce qu'il est impur en soi? Donc, Ibn Mulaqqin, il rapporte dans son charge de l'Umda que le kafir, il a le même jugement que le musulman. Et ça, c'est l'avis de la plupart des salafs et de ceux d'après d'eux. Et Shir ibn Izam, il dit parmi les preuves de cela, c'est le hadith de Abi Huraira, de l'Ummah Muttafaqun Alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accroché Thumama ibn Uthal dans le masjid avant qu'il ne se convertisse. C'était un kafir à l'époque et il l'avait emprisonné dans le masjid. Donc s'il était un najas, il ne l'aurait pas entré dans le masjid. Bien entendu. Et comme dans le hadith qui va venir dans le bab des récipients, apporté par Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des récipients d'une femme mushrika, lui et ses sahaba, ses compagnons. Également parmi les preuves qui nous est permis de nous marier avec les femmes des gens du livre, n'est-ce pas? Donc elles étaient impures. Comment on ferait? On ne pourrait pas les toucher, on ne pourrait pas avoir de rapport avec elles, ni rien du tout. Aussi, ce qui nous est permis d'avoir des rapports avec les femmes esclaves. Et elles ne sont pas forcément toutes musulmanes. Belle, à la base, la musulmane doit être libérée. Donc tu gardes qui? La mouchrika. Et il est certain, qui t'est parmi tes femmes, est-ce que ta main possède, c'est-à-dire ton esclave. Donc si elle était impure, tu ne pourrais pas la toucher. Elle ne pourrait même pas, on va dire, vivre chez toi. À la base de la pureté, tu la sors, tu la nettoies. Quant à ceux qui voient que le mouchrik est une najasa, ils ont pris comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innamal mouchrikouna najas, que les associateurs ne sont que impureté. Donc là, cette istidlal, cette preuve, c'est tout simplement c'est une najasa manawiya, abstraite. Non pas en sa personne, mais par rapport à sa croyance. Sa croyance est une impureté. Mais lui, sa personne, sa chair, d'accord, lui-même, il n'est pas une impureté. Pour preuve, ce qui était cité précédemment. Et également, ils ont pris comme preuve Inna al-mu'min la yanjus. Donc, si cela est pour les mu'min, alors le kafir, c'est qu'il est najasa. Ils ont pris le contraire du hadith. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-muslim la yanjus, c'est que le kafir, c'est najasa. Et ce qu'il a voulu dire par là, c'est que le mu'min, d'accord, il est pur dans ses, également dans ses membres et également du shirk dans sa croyance. Contrairement au kafir. Ils sont sortis également, ils ont pris comme preuve un hadith mursel de Hassan al-Basri, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré justement des mushrikoun dans le masjid, qu'il a dit quoi? Innal ard la tanjus innama yanjus ibn Adam. Que la terre ne se souille pas d'impureté, c'est juste fils d'Adam qui se souille d'impureté. Et le hadith qu'on a dit, c'est un mursel de Al-Hassan al-Basri. Il est connu que les marasils de Hassan al-Basri, ce sont les plus faibles. Tout ce qui est mursel de Hassan al-Basri, c'est ce qui est parmi les plus faibles. Donc ce n'est pas à prendre comme preuve. À la base, un mursel, c'est faible. Et les siens sont les plus faibles qui soient. Ensuite, après une divergence par rapport aux morts du kafir. Taïeb. Donc justement là on prend le hadith Innal mu'min la yanjus, que certes le croyant ne devient pas impur. On prend de la compréhension de ce hadith son contraire. Si ça a été précisé pour le musulman, c'est que ça va être le contraire pour le kafir. Naam. Yani, dans les adillah, que ce soit les versets ou les hadiths, quelque chose est affirmé, cela implique son contraire. Ce n'est pas forcément dans l'absolu, d'accord, que cela, c'est-à-dire l'interdiction de cela, par exemple, si une chose est interdite, la salène, ou une chose est ordonnée, et bien c'est-à-dire que son contraire en lui-même est interdit. On dit non, on dit que cela implique, mais il se peut qu'on trouve une issue. Là, on l'avait pris dans le Soulet Fiqh, au début, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc là, c'est quand même de Chokani, en fait, par rapport à ce hadith. Il dit, je ne connais pas de preuves qui s'opposent, justement, à la compréhension de ce hadith. On n'a rien comme preuve qui s'oppose à la compréhension de ce hadith, démontrant que le kafir, mort, son cadavre, ne soit pas une najasa. Il cite une parole des chéris d'Islam dans l'artiyarat où il dit « La yanjus al-adamiyu bil-maut wa wa dhahir madhab Ahmed wa Shafi'i wa as'al qawlayn fi madhab Malik » Il dit que l'humain ne devient pas impur ni par la mort ni par autre. Et c'est l'apparent du madhab de Ahmed et Shafi'i et la parole la plus authentique des deux paroles dans le madhab de Malik. Et le chéri dit, parmi les preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré, gratifié le fils d'Adam et nous l'avons transporté sur les eaux et la terre, et nous lui avons octroyé des bonnes substances, et nous l'avons préféré à beaucoup de ce que nous avons créé. Ici, comme preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali d'aller enterrer son père, Abu Talib. Ce qui implique que tu le portes, tu le touches. Aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de tirer et de retirer les corps des mouchriquines qui ont été tués, à Badr. Donc si jamais ils avaient été des najasa, il n'aurait pas été permis de les toucher directement. Car il n'est pas permis d'avoir un contact direct avec les najasa, à part dans les cas particuliers. Donc la masala, quelqu'un pourrait dire, oh, mais il y a un besoin, on ne peut pas les laisser là. Mais il faut qu'on les prenne, qu'on les tire. Voilà. Donc la masala en soi, elle n'est pas vraiment claire par rapport au cadavre du kafir. Le shir, lui, voit que ce n'est pas une najasa. Mais c'est vrai qu'on dirait, si ce n'était pas, alors d'où le fait de préciser, comme dit Shoukani, Innal mu'min la yanjus. On aurait dit Innal bani Adam la yanjus. Bon, pour moi, c'est je pourrais pas vraiment te dire, tu vois, c'est à la kulline, demain il viendra ce que le musulman, il est par exemple à toucher le cadavre d'un kafir, d'un mécréant. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, il prend pas ses vêtements, par exemple. Ou il prend avec, il le tire avec un objet, je sais pas, avec un tissu ou quoi. Et il se lave les mains après. Comme ça, il sort du khilaf. On lui dit, est-ce que c'est une impureté? Je sais pas, mais par prudence, il me lave les mains. Et celui qui a un avis, il est certain de son avis, il agit en conséquence. Mais je vois que pour moi, le khilaf, il est quand même, tu vois, les kawis. Parce qu'il y a du cadavre du kafir. Le cadavre du kafir. Tabam. Fahadaou. Ma foumala. Panakoul alhamdulillahi rabbil alamin.